Donc peut-être on peut prendre un nombre de questions comme ce matin et ensuite les différents intervenants répondront. La parole est à vous. Y a-t-il des questions? Monsieur Hanafi et Monsieur Besson. La question c'est pour moi-même, pour ça, pas uniquement pour vous. Est-il possible de trouver des concepts opératifs pour réaliser nos objectifs? Encore, sécularisation, sécularisme, je ne sais pas si ce sont des concepts opératoires. Moi-même, j'avais fait l'expérience chez le peuple, dans les quartiers. On ne sait pas ce que c'est Allemagne. Quel est le concept alternatif? Enfin, les grands défis dans la culture politique populaire, c'est de trouver une alternative pour les ash'arismes, incha'Allah. Les ash'arismes est dans le fond du cœur du peuple. Ça se voit dans les proverbes populaires. La prédestination, incha'Allah. Est-ce que le montazélisme l'alternative? Mais le peuple ne comprend pas aussi le montazélisme. Car dans le montazélisme, il y a la raison, les libres arbitres, l'intérêt commun, ce que nous appelons sécularisme. C'est plus ou moins très proche de montazilisme. Mais on a besoin de siècles et des siècles pour transférer la culture populaire de l'ash'arisme à montazilisme. Et quelqu'un qui est un montazilite, qui utilise sa raison, qui comprend les phénomènes sociaux par la causalité, pas Inch'Allah, par la causalité, la médecine est responsable des maladies, le système social est responsable de la famine. Ça aussi, si on fait ça, on est accusé d'athéisme. La théorie de sens et d'attribut qui est le fond de l'ash'arisme. Quelqu'un qui tâche de concevoir Dieu comme loi de la nature, comme progrès dans l'histoire, qui sont derrière le sécularisme en Europe, est accusé d'athéisme. Alors comment faire? Ça c'est le grand défi pour les intellectuels. Sécularisme c'est de là. Si vous êtes séculaire, c'est-à-dire vous êtes un athée. Vous niez l'existence de Dieu. Alors, du point de vue théologique, nous avons un grand obstacle. Et ce n'est pas accepté. Ça, c'est le grand défi des courants religieux et de fondamentalisme qui se trouvent au fond de la culture politique populaire. Alors, vous, comme savant, comme sociologue, comme anthropologue, comme théologien et comme philosophe, nous voulons avoir des concepts qui ne sont pas des concepts européens. Sécularisme, ce colombe, ce siècle, etc. Mais ce n'est pas un concept qui vient du fond de notre tradition. Voilà le grand défi pour la conférence. C'est très facile d'aller aux mêmes solutions que l'Europe a prises au début du temps moderne. Mais ça ne marche pas. On essaye depuis deux siècles, depuis Tataoui, de faire ça en monte, puis on descend. On monte et on descend. Et ça va continuer. C'est de retourner souvent au square zéro. Voilà. Voilà. Merci pour votre question et votre sagesse. Yves. Oui, avant de poser ma question, j'aimerais revenir. Je me heurte à la même difficulté avec votre définition ou l'absence de définition de ce qu'est la laïcité, ou ce que vous appelez sécularisme. Étant donné qu'en Europe et dans l'État moderne, elles sont très différentes d'un pays à l'autre et même d'une communauté à l'autre. Et ce n'est pas un concept aussi général qu'on puisse utiliser de façon aussi simple dans nos propos ici. Je prends par exemple, sur ce sujet, l'exemple de la Suisse, où la question des rapports entre la religion et l'État n'est pas une affaire fédérale, c'est une affaire cantonale. Et les solutions trouvées sont très différentes de canton à canton. Ça, c'est assez peu connu, mais c'est intéressant. Et par exemple, il y a certains cantons où les relations entre la religion, le religieux et le politique, ou entre l'Église et l'État, si vous voulez, pourraient être utiles dans nos réflexions ici. Plutôt que de raisonner en matière macro, essayez de voir des exemples micro pour voir comment certaines communautés ont résolu ce problème. Mais ma question, ce qui m'a fait sursauter dans plusieurs choses dans l'exposé de M. Bellal, c'est ce que j'appelle une présentation finalement trop simple. Et je me demande pourquoi vous vous y êtes attaché, si ce n'est pour développer votre concept théologico-politique qui ne me convainc pas. En somme, vous avez conclu votre exposé en disant « L'État moderne s'est construit contre l'éthique ». Pourriez-vous, le moment venu, justifier cette affirmation ? Merci. D'autres questions ? Monsieur Depuri. Ma question est un complément à celle que Monsieur Bresson vient de vous poser. Vous avez affirmé, n'est-ce pas, en citant Bartolomé de las Casas, que, au fond, le problème de. Mais que ça s'inscrit dans un contexte colonial. Et à mon avis, en tout cas là c'est la question que j'aimerais poser, si on prend l'histoire de la relation justement entre l'État et les communautés religieuses ou l'Église en Occident, on voit là aussi que le résultat ou les développements sont également, au fond, se produisent au bout d'un long cheminement, où par exemple, s'est posé encore pendant les années 50 de notre siècle, dans certains pays d'Europe, la question du divorce, par exemple. Est-ce que l'Église catholique n'admet pas le divorce? Est-ce que l'État ou la communauté politique peut admettre le divorce, même dans des États où pratiquement 80 ou 90% de la population sont catholiques? Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là où on dit oui, alors à ce moment-là, l'État commence à concevoir sa responsabilité comme celle de devoir aussi protéger les individus contre les prétentions de leur propre communauté. Et puis, c'est un problème maintenant. Bon, il se pose à propos d'autres questions, vis-à-vis de la mort, l'euthanasie, enfin, l'aide au suicide, etc. Il y a toutes sortes de problèmes, au fond. Les communautés religieuses peuvent avoir une opinion différente de la communauté politique. Et alors, je ne sais pas si justement, au vu de ces constatations-là, on peut affirmer que c'est un problème spécifique à l'islam. En tout cas, ce serait justement aussi heureux de vous entendre commenter là-dessus. Pour la question de Bartolomé de las Casas, je pense que là, il y aurait encore un autre aspect qui serait intéressant à mentionner, c'est qu'au fond, lui, il voulait défendre évidemment les droits des Indiens, etc., mais c'était au fond surtout pour ne pas se laisser glisser dans un système. Il était au contraire d'une sévérité très grande à l'égard des musulmans et des juifs, et il voulait montrer que les Indiens ne pouvaient pas être mis au même plan que les musulmans et les juifs, car ils étaient en quelque sorte des païens innocents, en ce sens qu'ils avaient été découverts dans cet état et puis que ça leur donnait certains droits. Donc, disons, c'est très intéressant, mais ça ne fait pas nécessairement de Bartolomé de las Casas le précurseur de la tolérance et de la convivialité absolue entre les communautés religieuses, qui est notre but à nous. D'autres questions ? Mahmoud ? Merci les tableaux de ces intervenants. Peut-être une question à Benoît pour lier sa discussion de la société civile au panel précédent et en fait à la discussion depuis hier. Je voulais savoir si je pouvais un petit peu interroger plus en avant sur la place de la société civile dans les transitions naissantes. Je crois qu'on est tous d'accord plus ou moins que une rupture importante par rapport aux révolutions, on en a parlé juste à la session précédente, mais que nous sommes un peu à la croisée des chemins, les différentes options qui se distinguent sont pas claires, c'est un défi, c'est le propos de Leda tout à l'heure, notre échange. La société civile, là aussi, ne pas être trop romantique par rapport au concept, en même temps, on sait que les transitions, comme on en a parlé dans notre projet sur la société civile, ailleurs, la société civile a toujours été un élément inévitable et positif d'ailleurs pour les transitions. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut interroger ça dans le contexte arabe, musulman et post-printemps arabe? On voit qu'elle joue un rôle pour l'instant très important, très positif. Mais est-ce que ce rôle ne s'essouffle pas? Et si c'était le cas, comment est-ce qu'on peut rebooter un peu, si on peut dire, la fonction de cet organe central dans les transitions par rapport à sa spécificité, justement, comme tu en parlais, dans le monde arabe. Je voulais savoir un petit peu si tu voulais prolonger ta réflexion un petit peu là-dessus pour nous aider. Merci. Merci, Mahmoud. S'il n'y a pas d'autres... Ah oui. Thank you. May I pose my question English, please. Yeah. Thank you for the speakers. Yesterday, the discussion raised the issue of citizenship and the need for developing the concept of citizenship, especially in the post-Arab revolt. In a pre-Arab revolt era, where the definition of citizenship was mostly defined by the state, the debate that was taking place in civil society was mostly related to issues of pluralism, in particular religious pluralism, and how the concept of citizenship is seen or perceived by Muslims and non-Muslims. Today, how I would like to hear how the speakers would think of this question taking place in the discussion and the debate about a new concept of citizenship. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une demi-question. Je ne saurais pas mieux comment la formuler, mais voilà, il me semble que, en tout cas depuis ce matin, depuis que j'assiste au colloque, on est très engagé sur une série de débats tout à fait légitimes, religion, État, politique, islam, etc. Mais la question posée par M. Hanafi me donne le courage d'ajouter quelque chose, c'est-à-dire, et si on introduisait la notion de spiritualité? C'est-à-dire, si on parle de spiritualité, on sort de dichotomie entre religion et politique. À travers la spiritualité, on crée des ponts. Et le monde arabe, comme la chrétienté, et les deux ensemble, et plus largement, ont partagé des spiritualités communes. Mais peut-être, je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler ici, mais il me semble que peut-être dans le débat que nous avons, faudrait-il pas oublier cette dimension qui traverse toutes les sociétés et qui peut-être permet, comme posé la question ce matin Monter, je reviens toujours à sa question de comment libérer le religieux du politique et le politique du religieux. Voilà. Alors peut-être on, moi j'avais une question à mon collègue Youssef sur son intervention qui m'a très fortement fait penser à un article intitulé L'invention du droit musulman, écrit dans un ouvrage récemment paru intitulé Après l'orientalisme, un article de Baudouin Dupré et Léon Buskens, l'un spécialiste de l'Égypte et de l'ethnométhodologie du droit en Égypte, et l'autre, Léon Buskens, spécialiste à la fois du Maroc et de l'Indonésie. Et en fait, il y a de très larges échos, donc, puisque eux aussi postulent que c'est précisément la présence coloniale et l'action des savants, cette fois-ci occidentaux, qui ont contribué à cristalliser une tradition qui était, comme tu le disais, l'objet auparavant de discussions, de débats, etc. Donc cristalliser le fiqh et la sharia. Et donc je te ferai la remarque critique, même si ils déploient vraiment une batterie d'exemples qui fait qu'ils emportent la plupart du temps ma conviction. Mais la question critique que je leur ai posée à eux, c'est que est-ce qu'on retombe pas dans une vision de l'islam et des musulmans comme étant nécessairement le pantin des velléités, si tu veux, occidentales, et sans aucune marge de manœuvre, sans aucune autonomie historique, si tu veux, philosophique et religieuse. Est-ce qu'on ne sous-estime pas tout simplement la tradition du fiqh et de la sharia telle qu'elle s'est cristallisée avant la présence coloniale même? Je ne nie pas que c'est un moment très important et fondamental pour comment dire, la manière dont se sont dessinées ces disciplines-là à la suite de la présence coloniale. Mais enfin, il me semble qu'il manque une partie de l'équation quand même. Voilà. Youssef. Bien, alors, sur la question de l'éthique et de l'État moderne, si on considère que l'État moderne se construit d'abord sur le droit et sur la notion de souveraineté, si vous prenez tous les théoriciens du droit, la dimension éthique est précisément analysée comme secondaire. Prenez par exemple l'élaboration du code civil, je ne sais pas si vous êtes juriste, Mais si vous prenez l'élaboration du code civil français. Oui, du code Napoléon. Oui, mais il n'y a pas que le code Napoléon. Ben, je vous donne un exemple. Et le code civil est particulièrement important parce qu'il a été exporté tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. Il y avait un prestige. Pardon ? Le code civil suisse. Non, mais le non, mais ils ont pris une partie et une partie vient du code civil français. Et l'Empire ottoman avait déjà commencé ce processus en important à travers les centres des maths le code civil français. Mais la question n'est pas là. La question c'est si vous prenez par exemple le processus d'élaboration du code civil. Donc juste après la Révolution française, le code Napoléon, qui avait un grand prestige tout au long du 19e siècle et du 20e siècle par rapport au droit anglais, parce que le droit anglais est un droit de case law, alors que le code civil, juste après la Révolution, tout l'enjeu c'était de faire des abstractions généralisables, et donc à travers ce système d'abstractions généralisables ou si vous voulez de rationalisation du droit, ça a considérablement facilité son exportation. D'où, dans la période coloniale, si vous prenez par exemple le cas de l'Égypte, à partir de la fin du 19e siècle, le code, bien qu'il soit sous domination britannique, le code civil les différents codes qui sont élaborés par des juristes français. Si vous prenez le cas de l'Algérie et le fameux code Morand, vous avez, ou en Tunisie, vous avez tous ces processus-là de codification. Maintenant, si vous revenez au processus d'élaboration lui-même du code civil, si vous prenez par exemple les écrits de Portalis, qui est le maître d'œuvre du code civil, si vous prenez Portalis dans les comptes rendus d'élaboration du code civil, vous allez voir qu'il dit explicitement « Nous n'avons que faire aujourd'hui de cette éthique dans notre élaboration du droit, mais l'objet c'est de faire de la puissance et de l'utilité et de favoriser le développement du commerce et des échanges, et surtout de faire de centraliser la puissance, de construire l'État dans une puissance absolue. Donc c'est ça, absolue, dans le sens où c'est l'autorité de l'État qui s'exerce sans limite à travers le droit. Donc si vous voulez, la question éthique, elle est très vite réglée en Occident à travers sa relégation dans un plan très secondaire, voire quasi inexistant, dans la formulation du droit et de la loi. Et ça, je veux dire, ce sont des choses que l'on peut voir à travers les documents que je viens de citer. Et tous les théoriciens de philosophie politique vous diront que le droit en Occident s'est formulé par-delà les questions éthiques. Les questions qui étaient centrales, c'était les questions de puissance, de territorialité et de centralisation, et de développement des échanges commerciaux. Donc on est très loin des enjeux éthiques. Parce que les enjeux éthiques étaient plutôt liés au droit canon formulé par l'Église dans les siècles passés. Maintenant, sur la question du mariage et des différentes institutions qui ont été la question par exemple du mariage civil, si vous prenez l'institution même du mariage, après que l'on accole le qualificatif mariage religieux, mariage civil, mais le mariage est d'origine religieuse, est d'origine chrétienne. Après il est sécularisé dans le code civil, mais son origine, cette forme de contractualisation, elle est religieuse en réalité. Elle est théologique. Donc, et si vous prenez la manière dont, là aussi, Portalis dans rend compte de l'institution du mariage, qui va faire de la figure du père, du chef de famille, la figure qui va disposer du pouvoir dans un rapport inégalitaire au sein du mariage. Pourquoi ? Et Portalis le justifie en disant, une justification qui est assez étrange, en disant les pouvoirs despotiques, on cherche à affaiblir les pouvoirs intermédiaires. Au contraire, dans les régimes libéraux, il faut renforcer les pouvoirs intermédiaires, et dont le pouvoir central doit être le pouvoir du chef de famille dans la famille. Et ça, on est clairement dans un processus qui est lié à une conception théologique de ce que c'est que la famille et des rapports de pouvoir au sein de la famille. Donc on est très loin des récits qu'on nous dit sur le code civil comme un instrument égalitaire, d'égalité de droit, etc. Et ce qui est intéressant là aussi dans la centralité du code civil, c'est la distinction entre le sujet et le citoyen. Parce que vous avez, la femme n'est pas considérée comme citoyen dans le code civil, elle n'a pas de droit politique. Et ce qui fait aussi que le code civil sera facilement exportable, parce que ça permettait d'avoir des sujets coloniaux qui n'avaient pas la citoyenneté et qui n'avaient pas les droits politiques, et d'assigner au sujet colonial son identité de musulman, et de permettre dans le cas algérien d'accéder à la citoyenneté à la condition de renier son identité de musulman, à la condition de renier ce qui était appelé à l'époque coloniale et puis après par la suite postcoloniale, le statut personnel. Et le statut personnel étant réglé à l'époque coloniale par ce qu'ils appelaient le droit musulman et le fameux code mort. Donc, et c'est là on retrouve là aussi comment opère le pouvoir théologico-politique, car en assignant cette identité et en faisant de la religion le source du droit, dans le cas français et dans le cas algérien en l'occurrence, on assigne une identité théologique qui est le fondement du droit ou du non-droit dans le cas colonial. Et pour ce qui est de Las Casas, tout à fait, l'enjeu pour Las Casas, c'était dans le rapport de pouvoir qu'il y avait entre l'Église et l'État civil, entre les scolastiques de l'école de Salamanque et tous ceux qui voulaient avoir recours à la force ou voir exterminer les Indiens, alors que lui était dans une logique où il considérait qu'il fallait les convaincre et prêcher pour les convertir. Mais on était dans un processus qui est assez similaire de ce qui arrivera trois siècles plus tard, sauf qu'au lieu que la mission qu'on aura ne sera pas la mission de christianisation, elle sera la mission civilisatrice. Et la notion même de mission civilisatrice à l'époque coloniale est révélatrice. Mission étant un terme là aussi très, très chrétien et lié à cette théologie politique. Et pour terminer sur la question sur ta question oui. Sur la question de du fait et de il suffit d'en donner quelques exemples. Si aujourd'hui, bien sûr, il ne s'agit pas de nier, au contraire, la capacité d'autonomie ou de il y a un premier travail de déconstruction à faire et de comprendre la nature des transformations qui se sont opérées notamment lors de la période coloniale mais il y a des formulations des tentatives c'est ce que pour reprendre ce que Hegel appelle the unhappy consciousness, la conscience malheureuse, c'est-à-dire que vous avez un moment de perte dans ce qu'il appelle dans la phénoménologie de l'esprit, et puis vous avez le moment de créativité. Mais c'est la conscience de la perte, en l'occurrence de ce qui a été la charia historiquement, mais au-delà de la charia, de l'être. Ça signifie que la charia a été avant que le pouvoir colonial ne la codifie. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut d'abord comprendre la nature de la perte. La nature de l'aliénation, pour aussi utiliser une terminologie hegelienne. Donc il y a à un moment donné une rupture. Maintenant, il faut comprendre la logique de la rupture, et je crois qu'on n'a pas suffisamment, on est passé trop vite historiquement, mais aussi dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas aussi la nature des mouvements islamiques, qu'ils considèrent aujourd'hui aussi comme une menace. Ce moment de perte n'a pas été parce qu'il est au-delà de l'occupation coloniale territoriale physique, il est dans la transformation des structures sociales, il est dans la déstructuration, il est dans le déracinement, il est dans l'importation de structures qu'est l'État moderne. Donc c'est tout ceci qu'il faut penser, et ce n'a pas été pensé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un deuxième moment de dépassement de créativité, mais ce moment de rupture et ce moment de prise de conscience et de représentation de la perte est fondamental. Mais je dirais, pour être plus concret, si je vais donner juste un exemple ou deux. On prend le cas des Ahbas, ce qu'on appelle les biens de main morte, qui assuraient l'autonomie de revenus des hommes de religion et des hommes de fiqh et de sharia historiquement dans le monde musulman. Une des premières opérations du pouvoir colonial, ce sera d'étatiser ce revenu qui était indépendant du pouvoir politique et qui était indépendant de l'État, là, alors qu'il était au profit de la communauté. Et vous prenez le cas du Maroc aussi, une des premières décisions du protectorat, ça sera à travers cette notion de dahir, le dahir étant, qui a existé pendant plusieurs siècles au Maroc, qui est, si vous voulez, la décision administrative, l'équivalent des décisions administratives du roi, du sultan. Sachant que la formulation de la norme du fiqh était entre les mains des spécialistes du fiqh, des ulama et des fuqaha. Une des premières décisions du protectorat dans le traité du 19 mars 1912, ça sera d'accorder au dahir, chose qu'il n'avait jamais, un pouvoir législatif de formulation de la norme. Et ça, c'est une rupture fondamentale, parce que là, on voit clairement, et ça, c'est un processus qu'on voit dans quasiment tous les pays qui ont été colonisés, de construction d'un despotisme local, parce que toute la stratégie de la France a été de dire, on va gouverner, au Maroc, on va gouverner à travers la monarchie. Et donc, la construction du despotisme colonial, dont vont hériter les pouvoirs postcoloniaux, qui sont l'objet aujourd'hui, justement, de la révolte, et qui sont l'objet de la révolte. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une logique toujours post-coloniale, et plus fondamentalement, l'enjeu, c'est la construction intérieure de la communauté, mais aussi le rapport à l'Occident et la décolonisation. Aujourd'hui, la France, le pouvoir néocolonial qu'elle a au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique du Nord et en Afrique de manière générale, pose un réel problème économiquement, dans la production culturelle, dans la formation des élites. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça, c'est ça les véritables enjeux. Où sont aujourd'hui les centres de pouvoir? Et on ne peut pas aujourd'hui se dispenser d'une réflexion sur le printemps, ce qu'on appelle le printemps des révoltes arabes, sans avoir en tête tout ce pouvoir néocolonial qui est aujourd'hui extrêmement bien implanté et puissamment implanté dans les pays d'Afrique du Nord. Voilà, merci. Merci à vous. Cédric. Oui. J'étais d'accord avec quasiment tout ce qu'a dit Youssef, sauf la fin. Sur le pouvoir néocolonial de la France et l'importance de sa production culturelle, ça me fait penser à ce que disait l'actuel ministre de la Justice, Mustapha Ramid, avant d'être ministre, à quel point notamment les écoles françaises, notamment le lycée Descartes à Rabat et le lycée Lyautey à Casablanca, déculturés, enfin, étaient un danger pour la culture marocaine des jeunes marocains qui s'y rendaient. Bon, à ce titre, voilà, il y a aussi la programmation culturelle de l'Institut français, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dresse des barrières étanches entre tous les États? Et dans ce cas également, donc la France serait légitime à bannir de son territoire tout ce qui relève de la production de la culture maghrébine et islamique, qui est très très importante à travers l'IMA, à travers l'Institut parisien, mais bon, à travers aussi des festivals culturels, etc. Donc oui, je comprends tout à fait, si tu veux, la genèse historique que tu fais, qui est importante à déconstruire, donc du poids colonial français dans certaines représentations contemporaines et dans un état de fait qui reste relativement contemporain, mais après voilà, de là à l'étendre et à proposer les solutions que tu sembles envisager, là je sais pas, je réagis comme ça un petit peu brut de décoffrage, ça me paraît faire un saut peut-être un petit peu dangereux. Bon, Voilà, sinon, non, mais je pense qu'il y a une question de M. Oul Mohamedou qui ne m'a pas été posée, mais j'aimerais bien y répondre, même si elle ne m'a pas été posée a posteriori, puisqu'elle elle l'a quand même été à Benoît d'abord en premier. Donc, s'il te plaît, je préfère. Puisque c'est un cas particulier avec, à travers lequel je voudrais illustrer, mais d'accord. Peut-être que tu as des choses. Très bien. Alors, il y a les deux questions donc, de Mahmoud, merci pour la question. Effectivement, il y a cette. Cette attente générale qui est celle de, d'inscrire la société civile dans un processus de séquence et de transition. Je crois qu'on est tous conscients du risque d'attendre d'avoir un point de vue téléologique que toute transition va amener à une fin vertueuse, et on sait très bien que les transitions peuvent aller dans des formes de régression. Enfin, donc de ce point de vue-là, je crois qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas attendre automatiquement les miracles de la société civile. Cela dit, il faut, vu qu'on emploie la catégorie, il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut la déployer, comment est-ce qu'elle peut avoir, elle peut créer ses propres dynamiques ou ses propres problèmes. Tout d'abord, il y a cette distinction habituelle entre la société civile et la société politique, et qui nous rappelle que toute association ne doit pas devenir automatiquement une organisation politique, un parti politique organisé, sinon c'est la course vers une multiplication de partis et une désaffection justement de ce laboratoire de débat des idées, et il faut garder ces deux niveaux de lecture, je crois, dans ces cas de transition avec toutes les précautions qu'il faut adopter dans ce cas-là. Donc là, effectivement, la société civile est ce laboratoire de la définition de l'autonomie collective, et en soi, elle doit rester un laboratoire impliqué des nouvelles formes de débat, des nouveaux médias, des nouvelles idées, des nouvelles actions, et puis des nouveaux réseaux qui doivent aller au-delà des frontières nationales. Là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'on est obligé dont on est obligé de tenir compte. Dans le monde dans lequel on vit, qui est différent des transitions en Amérique latine ou en Europe du Sud, où effectivement la sphère politique était facilement contenable, limitée dans la forme de l'État-nation. Là, on voit bien entendu que les modes de mobilisation, les thèmes, les slogans se sont propagés d'un État à l'autre, et il faut transformer cette nouveauté en une ressource pour la société civile. Et là, je crois que l'existence de réseaux, surtout Sud-Sud, justement, d'échanges entre les activistes tunisiens, libyens, yéménites, bahreïniens, ainsi de suite, est extrêmement profitable. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper à la hache les liens nord-sud, mais disons qu'il faut les penser de manière multidirectionnelle pour dire que la société civile doit jouer un rôle politique, mais en collaboration avec les partis politiques. Donc, prudence avec la société civile, moi je veux dire, la définition justement que je donne n'est pas une définition qui est fixée, c'est-à-dire c'est des ONG ou c'est des associations, c'est aussi un élément de spontanéité et de fluidité. Et cela nous permet de nous rappeler que l'autonomie d'un groupe n'est pas l'autonomie, n'est pas forcément d'accord avec le projet collectif d'une autre entité. Et donc cette définition de la société civile permet aussi d'inclure les organisations qui ont des projets néfastes ou à la destruction des autres. Et la société civile doit œuvrer au respect, à l'intégrité physique et morale et des autres personnes. Parce qu'effectivement, société civile, d'habitude, on entend toujours quelque chose de positif, avec une fonction positive. Non, la société civile peut aussi avoir un rôle destructif, peut aussi avoir un rôle d'antagonisme, de violence. Et donc là, il faut tenir compte de cette réalité. Et il ne s'agit pas de tomber dans un optimisme vert. Par la dernière question, la question de l'essoufflement, oui, il peut y avoir un essoufflement. Alors, comment éviter ça? Là, brûle pour point, j'ai pensé à quatre choses qui peuvent, quatre éléments de réflexion. Tout d'abord, il faut thématiser, peut-être de manière provocatrice, que l'aide internationale crée plus de barrières et de difficultés qu'elle ne facilite des processus d'incorporation et de pluralisme. Et donc, les bailleurs de fonds peuvent être des barrières de fond, si l'on veut. Elle peut créer des problèmes, non pas tellement en termes de domination, mais aussi à cause de cette fixation de figer les organisations. Et je vois, par exemple, en parlant avec des collègues qui étaient actifs en Palestine, beaucoup de gens d'ONG maintenant sont actifs en Tunisie, essayent de... Il faut créer la société civile. Bref, on reproduit ce discours qui est une ineptie totale. Je veux dire, la société civile, elle a réalisé en quelque sorte les révoltes. On n'a pas besoin de la créer, la société civile. Mais les bailleurs de fonds disent qu'il faut la créer à notre image. Il faut créer des ONG, il faut créer des institutions. Donc là, soyons attentifs et générons un débat au sein de la communauté internationale. La question de la collaboration sud-sud ou alors multidirectionnelle et circuler, faire circuler cette pratique, ce savoir de mobilisation. Troisièmement, bien entendu, la défense des droits collectifs. Et là, je pense que c'est un des points forts que j'essaie de souligner dans la présentation. C'est il faut lier les questions de préservation des droits individuels aux préservation des droits collectifs. Et de nouveau en évitant simplement le cadre national. Il faut aussi penser les problèmes de l'exclusion, les flux migratoires et réfléchir à des solutions à long terme qui ne soient pas limitées au cas égyptien, au cas tunisien, mais réfléchir ce qui se passe. Je veux dire, certaines personnes argumentent que les révoltes arabes et les politiques des bailleurs de fonds n'ont fait qu'amplifier les processus d'inégalité. Et effectivement, si on voit ce qui se passe avec les négociations entre l'Union européenne, enfin Ricardo pourra en dire plus, on voit vraiment que quelque part on dit il y a une situation un peu de faiblesse et de vulnérabilité de certains États du Sud et qui est exploité en quelque sorte pour renforcer ces inégalités. Donc là il faut vraiment penser les droits collectifs de manière un peu plus large que le niveau local, national. Et puis enfin la société civile c'est pas une fin en soi, évitons ce point de vue il faut le penser justement comme un laboratoire individuel qui mélange la dimension individuelle et collective. Voilà pour quelques réponses. Est-ce que je peux dire quelque chose sur la question de citizenship, ou Cédric, tu veux ajouter tout de suite maintenant sur la transition? C'était oui, juste pour apporter une illustration locale à la question de l'essoufflement donc posée par Oul Mohamedou sur le mouvement du 20 février qui donc le 20 février 2011 a su mobiliser plusieurs dizaines de milliers voire centaines de milliers d'individus sur tout l'ensemble du territoire marocain. Oui, clairement, il s'est essoufflé, voire on peut dire carrément dissous. Pour des raisons structurelles à ce type de mouvement qui était plus ou moins à ce type de mouvement donc anti-autoritaire et anti-hiérarchique qui était évoqué par le professeur Khosrow Khaba, le fait de refuser une cristallisation en mouvement politique ou de refuser un leader, etc. Il n'en reste pas moins que, et la réponse a plus ou moins été apportée ce matin par Reda, ces mouvements-là ont créé un précédent, mais surtout, plus concrètement, ont tissé des liens entre différents acteurs de la contestation qui sont immédiatement disponibles, j'ai envie de dire, en cas de problème, en cas de nouvelle crise, et qui seront immédiatement mobilisés, très certainement. Donc, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas concrètement, en tout cas dans le cas marocain, de translation dans le champ politique à proprement parler, champ politique classique, mais il y a quand même ce précédent-là de la contestation et créé à travers alors des coordinations locales que nous on a un petit peu ethnographiées avec mon collègue Jacopo Granci. Et le mouvement donc n'est plus apparent, mais de mon point de vue, je pense donc immédiatement disponible dès lors qu'il y aura d'éventuelles velléités autoritaires qui se manifesteront par une partie ou l'autre du pouvoir. Je voulais encore répondre à la question sur la citoyenneté. Is it okay if I answer in French or? Okay. Alors la différence entre le sens de citoyenneté avant et après les révoltes arabes. Ok, vous parliez de la question du pluralisme. Je pense qu'il faut aussi lui réfléchir à la question du champ d'action qui avait été clairement démontré comme limité. Les États avaient mis des normes au niveau légal, financières et ainsi de suite, telle sorte que l'activisme de par le bas était en grande partie contrôlé. Je crois qu'une grande différence avec ce qu'on a pu voir ces deux dernières années, contexte post-révolte arabe, c'est qu'avant il y avait une sorte de respect instillé et signifié indirectement pour le respect du status quo, politique et économique. Disons qu'on s'occupait sur des champs d'action extrêmement limités. Par contre, avec les révoltes arabes, c'est ce que j'essaye d'exprimer avec cette notion d'intersectionnalité, c'est pas seulement la mobilisation de différents groupes, mais c'est aussi de mettre des demandes sociales, économiques et politiques qui transcendent juste une demande locale ou d'un secteur professionnel. C'est vraiment cette capacité de refuser le status quo, de se réapproprier justement l'État, en quelque sorte, hein, cette résurgence par le bas. Et puis, bien entendu, les propos qui ont été tenus ce matin par mes collègues, je veux dire, la place centrale que la dignité a, le rôle des nouveaux intellectuels, de nouveaux réseaux, c'est justement ce sens de l'action. Et j'ajouterais peut-être l'idée de justice poétique. Elia Suleiman, le cinéaste palestinien, a utilisé cette phrase assez horrible pour parler des révoltes arabes. C'est un sens de justice poétique dans le sens de création poétique. C'est par l'action qu'on va signifier l'injustice et qu'on va essayer de montrer un nouvel exemple concret de justice. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. Et qui va avoir ces impacts, qui peut avoir un impact sur le long terme. Rida parlait aussi justement de cette ambiance constructive. Enfin, je crois qu'il y a d'autres pistes qui ont été suggérées pour repenser la citoyenneté dans les thèses ce matin. Cela dit, la citoyenneté, il y a aussi des risques. Il ne faut pas avoir que le côté positif. C'est important qu'on le souligne parce que souvent ça devient, c'est perdu dans certaines analyses. Il peut y avoir des pentes savonneuses. On peut avoir l'émergence d'un sens de nationalisme qui s'est renforcé, une sorte de repli nationaliste par l'utilisation de boucs émissaires ou bref. Il peut y avoir ce sens de citoyenneté qui inclut un sens plutôt négatif. Et d'autres analyses de collègues anthropologues montrent aussi que certains refusent ou ne sont pas vraiment intéressés par ce discours de la citoyenneté et ils se cantonnent dans une situation de sujet. Parce que les révoltes peut-être n'ont reflété que l'aspiration d'un certain groupe et non pas de toutes. En réalité, de toutes les classes sociales. Donc là, il y a aussi une ambiguïté par rapport à des groupes sociaux qui n'ont pas forcément les mêmes aspirations dont on a pu parler ces dernières années. Merci beaucoup, Benoît. Il y a encore. S'il y a une question, sinon j'attends. Bien, Jérémy. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, ce matin, j'aurais bien aimé poser une question. C'est intéressant le débat qu'on a à ce jeu-là. Moi, j'ai un problème au niveau de la méthodologie. Je prends aussi l'explication de ce que Ricardo a dit. Parle dans le micro. C'est le professeur beaucoup a dit sur la spiritualité. Je veux dire que, à mon avis, il faut faire une différenciation méthodologique à ce qu'on entend par la religion et le religieux. C'est par exemple dans le langage anglais, on n'a pas par exemple ces distinctions qu'on trouve par exemple en français. Par exemple, je suis d'accord quand on parle de sécularisation de la religion, on le voit surtout dans la religion, dans le sens de monothéisme, on parle aujourd'hui d'islam, ou ici en Europe, le christianisme, mais je ne vois pas du tout en sécularisation du religieux. C'est intéressant, par exemple, la phrase qu'on cite tout le temps dans des cours de l'anthropologie de religion, c'est seulement « il n'y a que l'incroyant qui croit que le croyant croit ». Ça m'a fait penser que même si quelqu'un qui est aujourd'hui en Europe, c'est quoi quelqu'un qui est dans l'agnosticisme ou dans l'athéisme, il a quand même une façon de croyance. Même ceux qui croient dans la science, ce qu'on appelle science naturelle en Europe, il a une forme de croyance. Et ça m'a pris l'inspiration à dire ça à un concept qui a créé Edio Soares, qui est un doctorant qui a fini sa thèse à l'ancien IED, qui a créé la métaphore du butinage religieux. Et lui, il parle du butinage religieux avec sa thèse vraiment bien faite au Brésil, et il prend la métaphore d'une abeille qui passe d'une fleur à une autre. Comme une croyante, aujourd'hui au Brésil, il montre qu'il peut passer dans une église pentecôtiste le dimanche aller dans une église adventiste le mardi tout en restant catholique. Donc on ne parle pas d'une nouvelle forme de syncrétisme, d'une nouvelle religion, mais il passe de A à B à C en revenant à A. Donc on n'a pas une nouvelle religion, donc on peut parler d'une sécularisation de la religion chrétienne, mais le religieux est encore là. Et cette butinage religieux, je le vois aussi en Occident. On peut prendre une image caricaturale d'un catholique qui se réveille à Genève et le matin il fait des pratiques de yoga pour la respiration. À midi il fait une petite prière parce que quand même il est catholique. À midi, vu qu'il a fait un voyage dans les Andes, il salue la Pachamama, les montagnes, parce que ça lui rappelle le chaman qu'il a rencontré au Pérou. Je fais une image un peu caricaturale. Et la nuit, il lit un livre sur le bouddhisme parce qu'il est trop stressé du boulot de la journée. Tout ça, ça mène à dire aussi toute l'augmentation, par exemple, qu'on voit au Pérou ou dans des autres pays, de tourisme mystique ou du chamanisme, du néo-chamanisme. Donc, on peut pas répondre le mot de professeur Ricardo, cette nouvelle quête, surtout en Occident, de nouvelle spiritualité. Donc, je me demande, quand on parle, surtout en français, j'ai l'impression que beaucoup d'auteurs ne font pas la distinction entre le religieux et la religion. Et je voudrais savoir qu'est-ce que monsieur le professeur Kilani pensait sur ça. Je croyais avoir échappé au professeur. À la question. Merci. Bon, je ne sais pas si je vais. Je vais allumer. Oui, je ne sais pas si je vais y répondre. Mais tout à l'heure, justement, c'était une question, c'était un peu le commentaire de la question que M. Foubelel m'a déposée par rapport au sacré profane. J'avais dit que dans la tradition européenne, disons, et notamment de l'escalade, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises, et à travers la création ou la fabrication de la catégorie de l'idolâtrie, on a introduit cette distinction entre religieux et religion. Alors bon, en tout cas, dans la tradition espagnole et dans la tradition française, dans la mesure où le religieux va permettre de poser l'universalité du phénomène religieux, c'est-à-dire on va l'ontologiser. Le religieux est partout, même chez les sauvages. Que, effectivement, on va convertir, d'ailleurs, Las Casas, effectivement, c'est quelqu'un qui, les Indiens ne sont humains que pour autant qu'ils soient convertis. Donc il fallait surtout pas les tuer, il fallait leur donner la chance de se convertir parce qu'ils n'ont pas connu le Christ. Et puis comme vous l'avez dit, en fait, les infidèles ou les vrais ennemis, c'était les juifs et les musulmans. Hein, et ces sauvages, il fallait les sauver. Donc les sauvages sont dans le religieux. Et alors l'autre distinction, c'est la religion comme institution. Comme institution, comme église, finalement. Et c'est le propre, en fait, des églises, enfin, c'est le propre de mon église. Et donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il me semble, en fait, que cette distinction religieux et religion est constitutive de cette vision chrétienne qu'on va généraliser à toute l'humanité. Et moi, ce que je voulais juste simplement dire, c'est que on a forcé le trait parce que, en créant l'idolâtrie, on a séparé le sacré du profane en disant. Au fond, pour mieux lutter contre les croyances des autres qu'on postule chez les autres, il faut créer un espace sacré qui est l'idolâtrie, et ce serait la mauvaise religion, et puis un espace profane. Parce qu'avant, finalement, les Incas ou les Aztèques et d'autres ne faisaient pas de distinction. Il y avait une indistinction, disons, entre le religieux et entre le sacré et le profane. Et s'il faut introduire une catégorie comme la catégorie de la religion, il fallait introduire cette séparation, cette hétérogénéité qui n'était pas d'emblée donnée dans les sociétés dans lesquelles que les Européens rencontraient à cette époque, et que les anthropologues allaient rencontrer plus tard dans ce qu'on appelle les sociétés primitives. En fait, là aussi, quelque part, on a réduit le polythéisme, l'animisme, enfin, toutes ces croyances, d'abord, on les a traitées comme des phénomènes religieux, puis on les a renvoyées à une fausse et une mauvaise religion. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'était juste que cette distinction, quelque part, elle est arbitraire, en tout cas du point de vue transculturel, qu'il faut la retravailler, et peut-être aussi sortir de cette définition ontologique du religieux, de dire, en fait, la religion est partout, même chez les sauvages qui n'ont pas la préscience de Dieu, il faut leur apporter la bonne parole, et dire, en fait, qu'on déplace les choses. Et là, vous avez donné beaucoup d'exemples. Enfin, tous les exemples que vous avez donnés relèveraient plutôt, effectivement, si on reste dans cette opposition religion-religieux, on relèverait du religieux. C'est-à-dire, on butine, en fait. On va d'un système de croyance à l'autre. Et moi, je ne l'analyserai pas en termes, peut-être, de système de croyance, ou en termes de contenu, mais je l'analyserai en termes de, comme je dis ce matin, en termes de croyance-action. Quoi. C'est-à-dire que ça nous permet d'être ensemble, ça nous permet de pratiquer des rituels, ça nous permet d'être solidaire, ça nous permet de répondre à la crise, à la catastrophe, par exemple. Enfin, donc, avoir une perspective plutôt dynamique qu'une perspective qui renverrait, ben, qui nous renverrait toujours à des contenus, toujours à des... à une adhésion, en fait. On a l'impression, enfin, à chaque fois, que la religion, c'est une adhésion à un contenu, adhésion à un certain nombre de préceptes qui guide nos actions, en fait. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faudrait plutôt inverser, puis dire, au fond, ce qui précède, c'est plutôt l'action, et non pas le contenu. En fait, c'était ça, un peu ce que j'ai essayé de développer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Merci beaucoup. Il y a encore une intervention. Répondre à Cédric sur sa remarque sur le sur l'état, sur la question du, de la présence néocoloniale de la France en Afrique du Nord. Mais attention à ce que tu vas dire, tu es français. Henry. sur la question de est-ce que la question fondamentale, il ne s'agit pas d'avoir des révoltes contre des régimes autoritaires, uniquement sur un plan politique. L'enjeu fondamental est l'enjeu économique. Si il s'agit de faire juste un semblant de démocratie, mais avec un pendant économique qui est inexistant, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si on prend les principaux secteurs de l'économie marocaine, par exemple, ça a été longtemps le cas aussi en Tunisie, peut-être un peu moins aujourd'hui, la présence française dans tous les secteurs est extrêmement importante. Ça pose un problème en termes de souveraineté économique. C'est pour ça que je me suis concentré sur le domaine culturel. Oui, mais le problème culturel aussi pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui un pays, par exemple, est-ce que la France accepterait que ses élites se forment dans un pays étranger? Ou que sa production culturelle. C'est déjà le cas. Mais la production culturelle, elle est mondialisée. Non, mais tu peux répondre après si tu veux. Je suis en train de développer ce point. Donc aujourd'hui, est-ce qu'un État qui se respecte accepterait que ses élites soient formées par l'ancienne puissance coloniale? Arrêtons de dire que c'est quelque chose de normal. Ou est-ce que la production culturelle aujourd'hui au Maroc, tout le réseau des instituts français qui est au Maroc le premier réseau mondial, finance tout un ensemble de productions culturelles, mais avec une ligne déterminée. Ça marche tous azimuts dans un monde globalisé où tous les échanges culturels si tu veux, tu pourras et numériques. Mais je peux terminer. La question, elle est légitime. Je veux dire, aujourd'hui, une communauté nationale qui cherche à prendre son destin en main a le droit de poser des questions sur l'hégémonie économique, politique et culturelle. Voilà. Non, simplement, bon, je ne vais pas rajouter au débat polémique. Sur le plan, de la présence économique, je trouve que c'est une question qu'on peut se poser. Sur le plan culturel, je trouve que c'est un petit peu plus délicat. Enfin, on nage peut-être un petit peu en eau trouble, mais bon, je vais pas développer là-dessus. Je voudrais juste peut-être éventuellement, avec toute la circonspection et le respect qui s'y est, commenter le commentaire de Monsieur Hanafi. Sur la question de la sécularisation comme étant extrinsèque au monde musulman. Bon, moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est de voir les processus de sécularisation dans les pays à majorité musulmane, ou ce que j'estime être des processus de sécularisation, et non pas, évidemment, d'imposer de manière normative une définition soit de la laïcité ou de la sécularisation comme étant l'horizon nécessaire à atteindre. Mais on est obligé de constater que par différentes voies, cette sécularisation pénètre. Vous avez parlé de cœur, le cœur ou en tout cas le corps d'une jeunesse musulmane, parfois même pratiquante, et même parfois fût-ce à son corps défendant. Donc voilà, il s'agissait juste d'essayer de comprendre comment se façonnent ces phénomènes-là. Et je pense que le changement que vous appelez de vos voeux peut-être profitera précisément de ce nouveau terrain qui est en train de créer bon, ce processus de sécularisation dans les pays à majorité musulmane. Mais aussi, et là je vais complètement dans votre sens, que c'est à travers un travail de réappropriation des catégories propres de la tradition islamique. Je m'intéresse au processus de sécularisation, je m'intéresse a fortiori au domaine des nouveaux penseurs, ce qu'on a appelé les nouveaux penseurs ou les nouvelles herméneutiques de l'islam, qui ont très, très certainement un rôle considérable à jouer. Voilà, bon, le docteur Al-Ajami proposera demain sa lecture qu'il appelle non-herméneutique du Coran, donc à partir, si vous voulez, des catégories du texte sacré des musulmans. Tarek Oubrou devait le faire, malheureusement il n'est pas là, tant pis pour lui. Mais on pourrait citer les trois grands qui sont décédés en 2010, Mohamed Arkoun, Mohamed Abed El-Jabri et Nasr Hamid Abu Zaïd, vous-même. Donc, je pense que Le processus de sécularisation dont on parlait prépare peut-être, en un sens, c'est pour ça que ma conclusion, elle était, à savoir que la sécularisation est peut-être un plan divin, était à moitié humoristique. Hein, il y avait peut-être un fond de sérieux là-dedans. Le concept des intérêts communs, al-Mosal et al-Mursal, ne réalise-t-il pas l'objectif de la sécularisation? Inch'Allah. De toute dernière intervention, oui, oui. M. Ouardiri et M. Kilani. Je reviens sur le propos qui a été tenu par le professeur Boko en question, en faisant appel à la spiritualité. Alors, évidemment, nous vivons ici avec différentes religions. Je ne veux pas faire un aparté sur le colloque, mais nous, en tant que musulmans, avec d'autres, nous vivons une relation interreligieuse. Et nous nous sommes rendus compte que la meilleure manière justement de nous désenclaver de cet enfermement dans le religieux par rapport au religieux de l'autre, c'était de développer des dynamiques de spiritualité. Et qu'en définitive, la meilleure manière au fond de vivre dans des sociétés plurielles, qu'elles soient laïques, multiculturelles et ainsi de suite, je crois que la meilleure manière c'est, comme on dit en arabe, « kunu rohaniin », c'est-à-dire « soyez spirituels ». Et je crois que malheureusement, à trop être dans le religieux, on étouffe cette dimension spirituelle. Alors je ne sais pas, professeur Boko, qu'est-ce que vous entendez par la spiritualité? Est-ce que c'est l'apanage de toute libération, justement, de ces pressions qu'elle ne trouve pas de solution? Absolument, j'abonde dans votre sens. Et je pense que de spiritualité, on en a besoin pas qu'ici, on en a besoin partout. Et cette idée de budinage religieux me plaît beaucoup parce que à première vue, on serait tenté de dire y a-t-il des budinages religieux au monde arabe? Non. Eh bien, je pense que oui. Alors peut-être sur ces marges. Certainement en terre d'islam, il y a des budinages religieux en Iran. Je parie qu'il y en a en Oman. Je pense que c'est une notion, un concept qui serait à explorer. Dans divers pays arabo-musulmans, pour commencer. Mais j'abonde dans votre sens sur la question de l'importance de la spiritualité pour des mouvements de latéralité, comme disait ce matin M. Khosrow Khavar. La seule chose pour finir, je crains que ce butinage ne soit compris comme un syncrétisme. Non, c'est pas du tout. Et c'est pas du tout, et je le considère pas du tout un mouvement New Age à ce niveau-là, pas du tout. Moi, je parle de spiritualité, des questions profondes, comme certains ateliers qui sont organisés ici, tout près en France, par les bouddhistes, où on dialogue ensemble avec des chrétiens, avec des bouddhistes et des musulmans. Donc, ça. Mondaire, tu avais encore une question, je crois. En fait, peut-être oui, mais si tu me la donnes. Si tu veux, on arrête. Non, mais très rapidement, en fait, c'est tout simplement, c'est une idée. Merci. Ah oui, deux. Ça fait Ban Ki-moon. Non, mais en fait, c'est une idée qui est venue, en fait, puisqu'on discute et ça circule, quoi, en fait, et je trouve ça tout à fait intéressant. Au fond, la question qui est posée par M. Hanaf et qui a été, d'une façon ou d'une autre, abordée par nous tous, et que, quelque part, On a l'impression, en fait, bon, qu'on arrive à des impasses et des apories par rapport à cette question de la sécularisation, mais on parle d'où, à partir de quelle catégorie, essayons d'adopter ou d'adapter cette catégorie d'origine occidentale à la réalité du monde musulman, ou alors essayons de trouver des catégories indigènes, parce qu'on pourrait dire, mais enfin, où sont les catégories indigènes? Parce que les anthropologues aiment bien les catégories indigènes qu'ils essaient de traduire, et d'ailleurs qu'ils réduisent souvent, à travers le biais soit ethnocentrique, soit universaliste, qui n'interroge pas. Mais alors on pourrait se poser la question de savoir, au fond, la sécularisation actuellement, pourquoi finalement ne pas la prendre comme une notion, mais j'aime pas ce terme métisse parce que ça suppose un horizon biologique, mais disons syncrétique, dans la mesure où la sécularisation fait partie aujourd'hui du débat dans le monde musulman. Donc qu'elle vienne de l'Occident ou qu'elle a fait le détour par la Chine, bon, non, je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est un élément de débat, de controverse. Dans ce sens-là, il faut s'en emparer et puis en faire quelque chose, puisque de toute façon, certains disent oui, mais les séculiers, c'est des athées, actuellement, les islamistes. D'autres disent mais non, enfin, séculier, c'est pas être athée, c'est être musulman, mais différemment, etc. Donc, pourquoi ne pas s'emparer de cette notion et essayer de l'élaborer à la fois dans son horizon local, mais aussi dans son horizon européen et transculturel, et on peut peut-être construire des catégories universelles, critiques, c'est-à-dire où on sait très bien d'où elles sont parties. Et où elles arrivent, et en fait les travailler et les utiliser dans le contexte et en rapport avec une praxis, parce qu'on a tout, souvent tendance à oublier la praxis, la pratique sociale en fait, et ce qu'en font les gens. Quand on voit ce qui se passe en Tunisie, tous les débats qu'il y a, et puis même ce qui se passe autour de la nudité, les femmes, etc. Mais moi je trouve ça extraordinaire ce qui est en train de se passer, parce qu'on peut condamner, en fait, pour ou contre, moi je suis pour les femmes, mais enfin bon, on peut être contre, non mais on peut être contre, mais c'est un débat autour de bien sûr, du voile, du corps, de la femme, de la nudité, et on peut dire oui, ça vient d'Occident, c'est étranger, c'est aliénant, ben non, oui et non, c'est-à-dire c'est à la fois interne et à la fois externe, et on ne peut pas échapper à cette controverse. Qui est une jeune fille qui s'appelle Amine et qui s'est dénudée sur le net, pas dans la rue. Oui, bon, il faut en faire quelque chose, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas expulser la chose en disant regardez, ça dessert la cause des femmes, et en plus, c'est une pratique ou une manière occidentale de poser la question. Non, c'est faux, parce que même en Occident, la cause des femmes n'est pas évidente. Enfin, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Donc la controverse et le débat est à l'intérieur même de l'Occident, comme pour la sécularisation. Et puis, M. Besson et d'autres ont soulevé l'exemple de la Suisse, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on peut prendre la dimension. Enfin, là aussi, il y a plusieurs formes de sécularisation. Enfin, en Europe, il n'y a pas une seule forme de sécularisation. Il y a un modèle religieux, on peut dire, ou un modèle séculier particulier à la Suisse, qui n'a rien à voir avec la laïcité doctrinale française, etc. Donc, c'est quoi l'Occident, finalement? Si on réfléchit un peu, c'est quoi l'Occident? Oui, bien sûr, à un certain moment, on peut dire que l'Occident, c'est à un certain moment tout ce qui s'est opposé ou tout ce qui à poser une relation coloniale ou impérialiste avec les autres. Oui, mais même là, ça ne suffit pas, quoi. C'est-à-dire, chaque fois, il y a des nuances et chaque fois, il y a des décrochements dont il faut tenir compte. Donc voilà, sécularisation, oui, il faut qu'on s'en empare, il faut qu'on en discute, c'est un lieu de controverse, quoi, et de débat. Merci beaucoup, Mandar, pour ces pensées. J'aimerais conclure cet atelier cet après-midi avec des petites réflexions, vu que nous avons entamé une partie du débat colonial et postcolonial, et nos amis à ma droite ont soulevé tout le contentieux franco-arabe. J'aimerais quand même vous rendre attentif, si vous regardez à d'autres puissances coloniales européennes, nous avons un exemple éclatant sous nos yeux et perturbant pour les Français certainement, le fait que les Portugais aujourd'hui, qui vivent une crise sans précédent, exportent leur main-d'œuvre qualifiée en Angola, leur ancienne puissance coloniale, et nos chers intellectuels collègues trouvent du marché du travail, mais sont embauchés à des degrés inférieurs que leurs collègues brésiliens. Donc les deux anciennes grandes colonies du Portugal se retrouvent aujourd'hui à contrôler à l'envers le Portugal. Ce qui me permet une transition avec la France pour évoquer ce qui a été récemment une affirmation du président Hollande lors de son voyage en Algérie, lorsqu'il a montrer, à mon avis, mais tout à fait discutable, le rêve de grandeur française et les limites de sa situation actuelle. Il a eu même le courage d'évoquer, par les mots d'Aimé Césaire, comment, au fond, la colonisation et les dégâts créés par la colonisation n'ont pas de prix. Et donc, ce n'est pas question de discuter d'une éventuelle compensation pour la colonisation. En revanche, et cela ne sera probablement pas sans conséquence, avant-hier, vous avez peut-être entendu la position du Premier ministre britannique qui a accepté, et ça c'est une première, d'indemniser les 5000, environ 5400 survivants du massacre perpétré par les Anglais au Kenya, les Mau Mau. Il avait été question de 90 000 victimes tuées dans des conditions horribles. Eh bien, le gouvernement britannique s'engage aujourd'hui, avant-hier, à compenser, par une petite somme, il s'agit de 5 000 et quelques euros, non, pounds, voilà, enfin bon, symbolique. Néanmoins, je doute que cela restera sans conséquence, parce que ça ouvre une porte. Mais enfin, il y en a une autre qui la ferme. L'Union européenne a récemment conclu ses travaux portant sur la réflexion des fondements culturels de l'Europe. Eh bien, dans les derniers débats, ne fut plus question de la chrétienté ou des valeurs chrétiennes au fondement, mais bien un débat sur le XXe siècle. Un débat sur le XXe siècle qui est aujourd'hui proclamé comme les fondements du pourquoi, au fond, l'Europe est démocratique et défend certaines valeurs. L'Union européenne a décidé de proclamer les deux piliers de ces fondements démocratiques à travers deux phénomènes qu'elle a rejetés au cours du XXe siècle, à savoir le nazisme et le stalinisme. Donc, en rejetant les totalitarismes, l'Europe, concrètement et symboliquement, fonde sa nouvelle politique qui, il est vrai, met ensemble l'Est et l'Ouest, mais d'emblée renforce sa forteresse à l'extérieur, parce que pas de débat sur le colonialisme. Ils auraient pu rajouter le colonialisme, ça aurait été parfait. Non, alors ça, ce fut exclu. Pas question de débattre de ça. Une de nos collègues, Annabelle Littomonet, qui travaille sur ces questions, avec qui je m'entretiens régulièrement, et qui a participé au travail de la commission, disait, mais la question du colonialisme était sujet tabou. C'était pas question d'en parler. Tout le monde s'accordait sur stalinisme et nazisme, mais rien d'autre. Voilà, enfin, j'aimerais conclure cet après-midi en vous disant comment j'ai beaucoup appris et les débats ont été vraiment passionnants. Nous allons reprendre demain matin sous la présidence de M. Besson et nous aborderons des perspectives philosophiques qui vont certainement nous libérer des contraintes que les pauvres sciences sociales abordent. Voilà, très bonne soirée et merci à tous.